la mitraillette de carabine, non plus que jamais. Et puis on a vu nos rires, et puis ça dansait dans la cour, parce que tout se fait dans les cours, ils ont des petites cours, et puis ils avaient fait le couscous, ça s'appelait pas. Alors, et puis c'était un vieux qui a venu nous ouvrir, et il avait plein de décorations françaises, il avait fait la guerre 14 de la guerre 40. Avec les Français. Avec les Français. Alors il était content, il nous a fait rentrer, nous, mais bon, hein. La troupe nous cherchait partout, vous voyez, on était zigouillés, et on était en train de fêter. Et ça se passe comment, un mariage? Ah, oh, ben c'est très, très bien, comme tous les mariages. Il n'y a pas un rite Ben le rite, bon, on m'avait dit ça, je l'avais jamais vu, au moment de... Parce qu'il y a les deux familles qui sont là, bien sûr. Mm-hmm. Et puis, c'est une belle maison, d'ailleurs. Et puis, bon, ben, à un moment donné, le vieux nous a dit, bon, ben, c'est le moment, les jeunes. Avec l'accent algérien. Les mariés, ils s'en vont se coucher. Mais pas pour dormir. Ah, je dis, c'est là qu'on fait voir la serviette. Oui. Et ben, ils ont été se coucher, ils ont fait l'amour, et l'homme ressort avec la serviette blanche. S'il y a du sang dessus, c'est qu'elle est corps vierge. Si jamais il n'y a pas de sang dessus, il la répudie, il n'en veut pas. Le mariage est nul. Ah, voilà. C'est là que j'ai vu. Et c'est vrai, c'est la coutume comme ça. Bon, c'était la fête, bien sûr. J'ai eu le droit au thé à la menthe avec de la goutte dedans, je ne sais même pas ce que c'était d'ailleurs. Puis tout le couscous, on l'a mangé. 3h30, on a resté avec eux. Votre troupe, elle ne devait pas être contente. On sort de là. Oh, il y avait une patrouille qui dit, bah, vous êtes là? Ben, je dis, oui, pourquoi? Bon, vous cherchez partout. J'ai dit, oh, j'ai dit quoi, peut-être? Bon, j'ai eu le cas mariage. Comment se passe cette salope? Ok. Avec eux. Il dit, nous, qu'on s'inquiétait pour vous, mais vous étiez en train de manger et boire, vous êtes. Bon, allez, ça va. Il est français. Bah oui, j'ai fait la guerre 14 et 40. Oh, bah c'est très bien. Un compatriote. Là, ça s'est passé comme ça.